J'étais dans un couloir noir et sombre. J'avais fait un choix, celui de l'ombre. Mais mon cœur n'était plus qu'une pierre. Et pourtant je voyais la lumière. Là, le gouffre sous mes pieds m'attirait. J'allais sombrer, un cœur naufragé. Me noyer, m'éloigner de ma vie. Sans même appeler, sans un répit. C'était pire que l'enfer. C'était pire qu'un duel. Enfer noir de ma vie. Enfer sombre et cruel. Je savais plus qui j'étais. Je savais plus où j'allais. Je savais plus qui t'étais. Je savais plus qui t'aimait. Je n'y croyais même plus. Je ne savais plus rien. J'ai pu ouvrir les murs. Et c'est là que je t'ai vu. Tu étais mon amour. Tu étais mon écho. Tu m'as ouvert ton cœur. Tu m'as ouvert ton âme. J'étais dans un couloir vif et blanc. J'avais fait le choix du présent. Et mon cœur n'était plus que bonheur. Et maintenant je te savais dans mon cœur. La lumière sous mes yeux m'appelait. J'allais pas la laisser s'en aller. Je m'y plongeais, je lui confiais ma vie. Sans même un doute j'en avais envie. C'était mieux que chanter, encore mieux que rêver. Au bonheur de ma vie, au bonheur enchanté. Je savais où j'allais et à qui j'en parlais. Je savais qui t'étais, je savais que je t'aimais. Je n'y croyais même plus. Je ne savais plus rien.